Bonjour à tous et bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le lundi 2 août 2010 et c'est l'épisode numéro 14. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode des Projets du Web. Cette émission est donc enregistrée un jour après la date prévue. J'espère que vous arriverez à nous pardonner ce léger retard. Je suis sûr que vous pouvez comprendre que, étant donné qu'on est dans la période de grandes vacances, on n'a pas tous des emplois du temps qui se correspondent bien. Mais finalement, cette émission tombe plutôt bien puisque nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui même l'anniversaire d'un des animateurs. Donc, comme je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui, je te souhaite un très bon anniversaire, Lucas. Ah ben merci. Et du coup, finalement, on a préparé une émission qui est plutôt chargée. Enfin, je m'attendais pas à ça, mais on a pas mal de projets d'actualité. Donc, sans plus tarder, on va entamer la première section de notre émission. C'est parti pour la section projet. Je vais commencer par vous parler d'un service qui est de Microsoft en fait, qui sort des laboratoires de Microsoft Research. Donc avant, j'espère que vous connaissez tous le service Google qui s'appelle Street View, qui est finalement un service assez vieux puisqu'il a été lancé en mai 2007 afin de compléter la suite logicielle, enfin si je peux dire, de Google Maps et Google Earth. Et donc on a appris très récemment au salon SIGGRAPH 2010 que Microsoft allait proposer un service similaire ou du moins basé sur le même principe et on a même eu le droit à une vidéo de présentation du produit qui s'appellera donc Street Slide. Donc on peut se demander pourquoi Microsoft se lance sur ce projet aussi tardivement, donc plus de 3 ans après Google, surtout sachant que Google est déjà bien imposé Google Maps sur ce marché. Donc à première vue, la news quand elle est tombée, je me suis dit encore un produit Microsoft qui sort trop tard et qui apportera pas vraiment grand chose de nouveau. Et en fait, je me suis tout simplement trompé, puisque pour le coup la vidéo de présentation, moi elle m'a tout simplement bluffé. Elle nous montre un produit qui va vraiment plus loin que Google Street View. Donc entre autres avec un système de perspective qui est bien mieux géré. Une navigation avec plusieurs systèmes de navigation, donc soit par slide, donc en fait qui ressemble finalement à une espèce de grande frise, c'est une photo en largeur de la rue, soit directement à la première personne, donc comme Google Street View, mais mieux géré avec un système de perspective, les photos sont, enfin c'est un système un peu compliqué, donc je pense que le meilleur moyen de comprendre ça reste évidemment de visionner la vidéo de présentation. Donc, qui se trouvera dans les liens de l'émission. Mais en tout cas, je trouve que le produit apporte vraiment quelque chose de nouveau. Dans le système de slide, il y a par exemple, dans les rues, en face de chaque magasin, le logo du magasin avec, je suppose, un lien pour mener vers le site du magasin. Donc, ça apporte plus de choses que Google Street View, qui finalement n'a jamais évolué depuis son lancement. Et donc là, ça permet de d'avancer sur ce domaine. Donc je sais pas, vous avez regardé la vidéo, les gars, ou pas? Ouais, moi j'ai regardé un petit peu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la navigation. Ouais. Finalement, Street View, j'ai pas beaucoup utilisé le service de Google, mais c'est un petit peu similaire. Et ce que tu disais en perspective, c'était assez joli, parce que ça fait un peu comme les appareils photo, je crois qu'ils appellent ça grand angle, ou ces choses-là, panorama, où en fait, on a plusieurs images en fait collées, et puis elles s'ajustent au fur et à mesure, et on a vraiment toute la ville finalement autour de soi, et puis on peut sortir de la vue, re-rentrer, tourner. La navigation est superbe. Et même sur l'aspect, je sais pas si tu vois, mais quand il y a une rue en fait en perpendiculaire, on voit, enfin par rapport à Google Street View qui reste une image fixe, là dès qu'on déplace un peu la caméra, les photos s'adaptent et on voit une perspective qui est, enfin faudrait le voir dans la vidéo pour comprendre, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment, là je suis en train de regarder, c'est pour les rues en perpendiculaire, c'est franchement bluffant. En fait, on voit la rue comme si elle bougeait en fonction de l'angle de vue qu'on regarde, comme si vraiment on se déplaçait, nous, en crabe dans la rue. Ouais, c'est ça. C'est franchement énorme. C'est par contre, le truc, c'est que justement, pour entrer dans une photo, on va être obligé de rezoomer la photo, tourner puis ressortir, et ça c'est le seul truc qui m'a l'air dommage. Ouais. Sinon c'est vrai que au niveau de la du déplacement intérieur, ça a l'air franchement bien. Je suis en train de regarder la vidéo et c'est qu'il le montre sur un iPhone, et c'est vrai que avec le zoom etc, c'est super agréable, hein. C'est vraiment intuitif et tout ça, donc c'est pas mal. Et donc oui, voilà, et puis l'aspect, enfin quand on est un peu dans la slide, enfin moi j'appelle ça slide, je sais pas si ça se dit comme ça, mais quand on voit la frise avec les logos des magasins en dessous et tout ça, il y a vraiment, je pense, quelque chose à faire au niveau de la pub et tout ça. Ils peuvent vraiment faire quelque chose de bien, et enfin je pense qu'il y a beaucoup, enfin ça reste un projet, hein. Pour le moment c'est qu'une vidéo de présentation, ils ont pas annoncé de lancement ou quoi que ce soit, donc je pense que ça va évoluer. Et il peut y avoir des choses bien faites derrière ça. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit là. Pour rentrer dans les rues perpendiculaires, en fait, à chaque fois qu'il y a un embranchement où il y a les pubs en dessous, qui est un bon principe, je pense, justement, plus que ce que Google voulait faire en filmant dans les magasins. Mmh. Et il y a des flèches, justement, pour nous permettre de tourner directement et se mettre directement dans le bon sens de la rue, pour changer de rue, en fait. Mmh. Je viens de voir ça. Ouais. C'est plutôt pas mal, en fait. Non, la navigation... Pressé que ça sorte. Ouais, exactement. Je pense que la navigation va être plus simple finalement, et ils vont ça permet d'intégrer plus facilement du contenu externe, parce que finalement dans Google Street View, intégrer du contenu externe, mis à part intégrer des panneaux publicitaires comme ils avaient dit directement, ce qui est finalement pas très intéressant, là ils ont moyen de faire quelque chose de bien, et donc voilà. Je vous laisse, c'est William qui enchaîne je crois avec une autre news. Oui, tout à fait. Donc, ça va être en relation avec Twitter. Donc, c'est le Institute for Quantitative Social Science. Et oui, tout ça. Et ils ont fait une cartogramme animée. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. De l'humeur, en fait, donc du pays, donc des États-Unis. Et tout ça en analysant les tweets. Donc, ils ont fait un petit algorithme. Et ce qui est du coup intéressant, c'est qu'on peut vraiment voir aux différents moments de la journée, aux différents moments de la semaine, l'humeur des gens. Et c'est très visuel aussi, on a vraiment donc une charte graphique, disons. C'est-à-dire que plus ça tend vers le rouge, plus les gens sont moins contents. Et plus ça tend vers le vert, vert foncé, plus ils sont contents. Et on remarque étonnamment que les gens sont plus contents arrivés vers le jeudi soir, jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. Et arrivés vers lundi, mardi, mercredi, les gens donc sont un petit peu moins en forme, on remarque que les gens sont super en forme le matin à partir au boulot, et vers midi, il y a un petit creux. Donc c'est assez sympa de voir un petit peu comment évolue tout un pays, et grâce en fait aux réseaux sociaux comme Twitter. Ça me faisait penser un petit peu à un projet un petit peu similaire, que je ne sais plus si on en avait parlé, par rapport à Google, qui regardait par exemple les évolutions d'épidémies en fonction des recherches Google qui étaient faites. Et ça me fait penser un petit peu à ça, et je trouve ça assez intéressant comme projet. Ouais, mais alors moi ce que je comprends, enfin c'est le problème, c'est que c'est basé sur Twitter, et finalement Twitter pour moi c'est, enfin l'utilisation que j'en fais et ce que je vois passer sur Twitter reflète pas forcément l'état d'humeur des gens ou quoi que ce soit. À la limite Facebook pour le coup est plus reflète plus l'humeur des gens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense qu'à très grande échelle on peut assez bien se rendre compte justement de l'humeur, si on prend vraiment tout le monde, puisqu'il y en a beaucoup qui tweetent ce qui leur arrive chaque jour et pas forcément juste des infos. Ouais, mais alors c'est les mes followers et les, enfin j'ai pas, moi je vois pas du tout les mêmes le même genre de tweets en fait. C'est mon utilisation de Twitter est pas du tout axée sur le même principe. Je suis d'accord avec toi sur le fait que sur Facebook il y a un peu plus le côté qu'est-ce que je fais, et Twitter c'est plus des bonnes infos, donc ça je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. Sur ce point précis. Aussi, hein. Mais par contre, sur la pertinence, je dirais, des résultats et la validité, finalement, Twitter est peut-être plus sérieux. Ah oui, non, ça c'est évident. Mais pour l'état dans lequel se trouve, enfin, l'humeur des gens, je pense que Facebook connaît plus sur l'humeur des gens que Twitter, finalement. Enfin, ça, c'est mon idée. Je sais pas. Non, je pense que c'est assez valable. Et c'est vrai qu'on n'a pas les détails exacts de l'algorithme, comment il procède. Mais c'est vrai que ça va être en fonction des termes, de certains termes, plus ou moins. Voilà, on n'a pas, parce que je pense pas qu'ils répondent juste simplement s'ils voient le mot happy, mais il est content. Enfin, ouais. Je pense que toi, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Évident. Et donc voilà. Ouais, mais en tout cas, c'est intéressant de regarder un peu, parce que de toute manière, les stats veulent dire quand même quelque chose, et c'est intéressant de voir effectivement l'évolution. Ouais. Par contre, j'aimerais que tu m'expliques un truc sur la vidéo. C'est en fait, c'est ça représente les États-Unis, si j'ai bien compris. Mais pourquoi ça change de taille? Pourquoi il y a plein de zones qui changent de taille en fait? Non, c'est la coloration qui change, c'est pas la taille Non, des mais éventuels États. Enfin... la coloration change, mais les formes changent aussi, j'ai l'impression, non? Non, non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, bah, évidemment, tu sais, il y a les fuseaux horaires. Donc, quand le fuseau horaire bah, s'étend, et on avait constaté, enfin, je l'avais dit qu'ils avaient constaté que, par exemple, le matin, ils étaient assez contents, et sur l'heure de midi, par exemple, ils l'étaient plus trop. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le rouge commence à prendre énormément d'importance, tu sais, bah, sur l'heure de midi, en fait. Et c'est ça qui fait qu'en fait, toutes les formes bougent. Je Ah pense ouais, qu'il y a une d'accord. corrélation là-dessus. Plus de trucs devient gros, plus Ok. c'est là où il y a le plus de tweets, en fait, je pense. D'accord. Bon, ben donc on reste sur Twitter. Twitter qui compte améliorer sa disponibilité, enfin qui va tenter de résoudre les problèmes ben, récurrents de disponibilité, c'est-à-dire lorsque le site twitter.com n'est plus directement accessible. Donc ils vont inaugurer une nouvelle API qui s'appelle User Streams. Donc en fait, ça va juste changer le système des mises à jour. Donc maintenant, ça va pousser les mises à jour en temps réel vers les clients tierces plutôt que recevoir comme avant une demande. Le client qui était limité à 150 requêtes par heure. Donc finalement, pour faire simple, c'est un peu comme le système, le mode push en fait entre votre boîte mail et votre client mail. Ça va rendre plus rapide en fait donc le stream sur vos clients puisque ça sera du stream continu et ça va permettre de libérer, enfin l'API si elle est bien gérée va permettre d'être plus stable en fait. Et Twitter a par ailleurs annoncé sur son blog officiel la construction d'un data center dédié à Twitter et au site que Twitter possède. Donc c'est à Salt Lake City dans l'Utah. Et donc voilà, et on sent leur volonté de reprendre un peu la main sur leurs produits. Donc voilà. Et maintenant, donc je vous laisse la parole parce que vous avez préparé un dossier sur la prévisualisation des sites internet. Donc bah, c'est à vous. Et donc la prévisualisation, donc juste un petit peu pour à quoi ça pourrait vous servir. Donc moi je l'ai vu comme les raccourcisseurs d'URL que vous avez sur Twitter. Quand vous êtes un petit peu au boulot ou à l'université, enfin en tout cas dans un lieu public, quand on a une URL raccourcie, c'est vrai que on ne peut pas savoir toujours ce qui se cache derrière. Donc on peut se dire, est-ce que je clique dessus maintenant? Est-ce que j'attends la maison? Donc on y a toujours cette petite... On veut savoir ce qui se cache derrière, ou alors un site de phishing. Et donc, on a trouvé un petit peu des petits sites qui vont vous permettre donc de vous aider pour ça, ou tout simplement si vous n'avez pas envie de cliquer sur le lien parce que vous avez peur de virus ou ce genre de choses. Donc, le premier, c'est longue URL. Donc, celui-ci est assez basique. Donc, vous entrez votre truc avec Bitly, par exemple, des raccourcisseurs comme celui-là, et vous allez à simplement donc l'adresse exacte qui va vous être donnée, donc vous allez tout de suite savoir déjà sur quel site ça concerne, et vous avez un petit mais vraiment petit sur le coup, mais d'autres services vont permettre de faire beaucoup plus, un tout petit thumbnail, un aperçu du site pour vous donner un petit peu, pour voir si c'est le bon, etc., et voir à quoi ça ressemble. Donc voilà sur le premier petit sujet. Donc Lucas, je te laisse enchaîner sur le second. Ok, alors le deuxième c'est Variably SFW pour Safe for Work. Et en fait celui-là c'est j'ai bien aimé le principe. C'est donc on arrive sur le site tout bêtement, c'est un site noir. Et dessus en fait il y a juste une barre d'adresse pour rentrer une adresse. Et quand on rentre une adresse, ça nous affiche une page noire. Et en haut il y a une barre de défilement en fait. Et en faisant glisser cette barre de défilement vers la droite, le site s'affiche de plus en plus clair, ce qui nous permet, si par exemple il y a du monde derrière, qu'on ne sait pas trop sur quoi on clique, l'URL n'est pas assez explicite, d'ouvrir petit à petit. Et en fait, étant près de l'écran, on verra tout de suite si le site est clean ou pas. Et une fois qu'on pense que le site est clean, on a juste à cliquer sur un petit bouton qui s'appelle Proceed, et il nous envoie directement sur le site. Et donc voilà, tout simplement en fait. Et le principe est franchement sympa, justement, pour un peu se cacher. Justement, quand on est en lieu public, dans le salon avec la famille, on ne sait pas trop sur quoi on clique, c'est pas mal. Et tant que j'y suis, je vais vous parler aussi de PDF My URL. Alors celui-là, on a eu plein de problèmes avec. Je ne sais pas d'où ça vient. On pense que ça vient de la longueur de l'URL. Mais en Ouais, je fait, pense que... le principe de base, c'est qu'on rentre l'URL, une URL tout simplement, et il va nous transmettre. On lui a demandé en PDF. Donc après, on a juste à ouvrir ce PDF. Et donc dans ce cas-là, on a une prévisualisation de la page qui nous permet de voir en fait si c'est un site. Là pour le coup, je pensais plus pour voir si justement c'est des sites de phishing ou des sites qui auraient tendance à avoir trop de pubs et qui nous gêneraient en utilisation normale, mais pas pour se cacher celui-là par contre. Mais pour avoir une petite preview quand on n'est pas tout à fait sûr du site. Ouais, donc je suis assez d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que c'est pas pour se cacher parce qu'au final tu ouvres quand même le PDF et bon bah ça prend autant de place hein, que le site, donc la personne éventuellement derrière ou dans le bureau le verra quand même. Et le truc c'est que tu dois l'enregistrer sur ton ordinateur ou l'ouvrir, donc il y a des traces sur ton PC, donc voilà, c'est sur ce point-là on le voit. Et par contre, ouais, je pense aussi que ça vient de l'URL. On a essayé avec des sites assez courts, par exemple Battle.net de Blizzard si vous connaissez ou Twitter. Twitter.com. Voilà, donc là ça passe. On a le PDF. Donc, faut savoir que si vous devez scroller, donc c'est-à-dire défiler votre barre, ben il vous mettra tous les PDF en fait à la suite. Donc vous avez vraiment toute la page du site et pas juste un imprimé écran du haut. Et donc ces sites-là, ça passait. Et on est passé sur le site plus grand, enfin une URL plus grande. Par pas extraordinaire, mais voilà. Les projets du web. Donc c'est pas très long pourtant, mais ça n'a pas passé. Alors faudra qu'on. On n'a pas réussi à trouver sur le site. On a essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait une limite de taille et non. Alors on a soupçonné en fait la longueur, puisqu'en fait il renomme le fichier exactement comme l'URL. Donc si l'URL est très grande, le fichier va être renommé assez grand, et par conséquent Windows ou Mac, ils aiment pas avoir des noms très très grands dans les noms de dossiers ou de fichiers. Donc on soupçonne ce petit problème là. Donc voilà, sur PDF URL, le petit souci qu'on a eu, mais sinon un service très agréable. Et alors, est-ce que vous avez essayé de faire un PDF URL, enfin un PDF My URL d'une URL raccourcie? Donc via style Bitly. Ouais, voilà. On a essayé, ouais. Okay. Et non. Parce qu'en fait, il va justement voir le vrai site, il prend pas en compte, disons, la Ok. Il passe l'URL d'abord et après. Voilà. Ok. Il le traduit et il va chercher le vrai site. Donc, Ok, bon, bah, ça ne sert à rien alors. Et donc, le dernier, ça ressemble un petit peu à un des projets qu'on avait cité, je ne sais plus quand, c'était un plugin Chrome à l'époque, qui permet en fait. Nous, à l'époque, c'était pour étendre l'URL. Mais là, ce plugin-là, donc, il va servir pour Firefox et pour Chrome. Donc là, c'est l'avantage d'avoir deux browsers qui sont assez connus et assez utilisés. Et qui va nous permettre, en fait, là, cette fois-ci, donc, ça va pas être un PDF, ça va être un screenshot, justement, de la page. Et on pourra directement éditer des choses dessus. On peut choisir la résolution, la qualité. Est-ce qu'on veut toute la page? Ou est-ce qu'on veut juste, si on veut les contours, donc, donc voilà, c'est tout simplement ça, pour pouvoir un petit peu prévisualiser aussi. Et donc c'est un petit peu dans le même ordre d'esprit que le PDF qu'on a vu avant. Donc voilà, donc ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas forcément toujours un lecteur de PDF sur soi ou installé sur son PC tout simplement. Et on va enchaîner avec la section Actu et Tips. Pour commencer, moi, je vais vous parler de Who is following Who. Désolé comme fils pour l'accent, je sais que ça te fait mal. En fait, le site, c'est isfollow.com. C'est un site tout simple, en fait, qui nous permet de savoir si une personne en suit une autre. Donc, il y a deux champs pour entrer les pseudos Twitter. Donc, tout simplement, on rentre le premier, le deuxième, et ça va nous dire si le premier suit le deuxième. Donc, ça marche plutôt bien. Le seul problème, encore une fois, je pense ça vient des comptes privés. Donc, par exemple, j'ai essayé avec un compte privé et ça ne m'a pas donné le bon résultat. Ça m'a dit qu'il ne me suivait pas alors qu'il me suivait. Et donc, en fait, voilà, une fois de plus, les comptes privés bloquent quelque chose. Mais sinon, le site est sympa en lui-même. Ah, je suis désolé pour mon compte privé. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un problème assez récurrent sur les services affiliés, tout du moins liés à Twitter. C'est le problème des comptes privés. Et c'est vrai que c'est problématique parce que moi j'aime bien avoir le compte privé parce que je dis des bêtises, enfin genre en permanent des conneries. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant de le voir répertorié sur Google et par les sites tierces en fait qui reprennent vos tweets, mais juste pour les enregistrer. Et ils font rien de spécial avec. Et il y en a énormément. Si vous pouvez faire des recherches sur Google, vous allez remarquer. Mmh. Donc c'est pour ça que je mets mon compte en fait en privé. Et le problème c'est que ça me prive d'énormément de petits services comme ça. Par exemple, avant, on affichait nos comptes. Je me souviens, William, quand on était tous les deux, on affichait nos comptes sur le blog Les Projets du Web, ce qui était plutôt sympa. Il y avait, j'avais mis des plugins pour afficher les comptes. Et à partir du moment où on est passé en compte privé, on n'était plus capable de faire ça puisque, voilà, par définition, il n'y a plus aucune application externe au site Twitter qui peut accéder aux flux en fait générés par Twitter. sur les comptes privés. C'est vrai qu'il faut être conscient de ça quand on fait un compte et qu'on le met en privé. Tout simplement. Et donc moi, je vais continuer encore avec un add-on. Donc, décidément, je suis vraiment dans ce domaine-là. Notamment une extension Firefox, un add-on Firefox, en espérant qu'il va être incorporé donc, dans les futures versions de ce navigateur. Et donc l'objectif de TabCandy, donc c'est son petit nom, ça a été de revisiter la façon dont les onglets sont utilisés sur votre machine. Et donc là, l'objectif, ça a été vraiment d'avoir une meilleure visualisation. Et donc en fait, ça lance une sorte de navigateur un peu vierge. Et dedans, on peut prendre ces onglets et les mettre donc dans des zones délimitées, les grouper, un petit peu comme les sortes de dossiers qui sont apparus sur l'iPhone, c'est-à-dire mettre plusieurs applications dans un même dossier. Bah là, c'est le même principe avec les onglets. Hop, on les met tous ensemble. On a des petits aperçus. Donc ça permet de voir un petit peu parce que les noms sont pas toujours explicites. Donc hop, on repère un petit peu. Où est-ce qu'on en est? On peut nommer les groupes, on peut les agrandir. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une très bonne idée d'essayer de revisiter un peu comment nos navigateurs fonctionnent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à utiliser des classiques pour pas bousculer les foules, et j'ai trouvé ce projet super intéressant. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. Ouais. Alors, moi, j'ai regardé la vidéo, et en fait, il y a un truc qui m'embête, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à ranger ses onglets et à les renommer, à faire des groupes et tout ça, que finalement, utiliser vraiment le contenu du site web. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah, c'est sur le début, tu sais, c'est sur la mise en place. Mais une fois que tu sais que tu as mis, par exemple, tu te mets, par exemple, sur la. Tout sur le latéral, c'est comme il le montrait par exemple des sites d'information. Une fois que c'est fait, bah, tu n'y touches plus parce que tu as tes sites, je sais pas, New York Times, Le Monde, hop, tu les mets là, ensuite tu mets tes sites de réseaux sociaux. Une fois que tout est fait, après tu les touches plus, tu n'as plus qu'à les consulter en fait. Mais finalement, organiser une barre de favoris avec des dossiers classés sites d'information, sites de réseaux sociaux, machin, tout ça, revient à peu près à la même chose. Parce que tu as l'aspect visuel en fait. Alors peut-être que je sais que ça dépend des personnes, ouais. Mais moi c'est assez important pour moi d'avoir visuellement en fait les choses. Là je les ai comme si c'était vulgairement des applications sur Android ou sur iPhone ou je sais pas comment est BlackBerry. Donc, des applications comme ça. Je suis désolé. Et donc vulgairement des applications comme ça qui me permettent finalement de voir directement mes sites parce que les onglets c'est une barre assez petite et enfin voilà, quand on a 10-15 sites ou quand on fait des recherches. Moi, ce qui m'a vraiment concerné sur leur vidéo, c'est la recherche. Par exemple, il fait une recherche pour les appareils photo, des réflexes, si je ne me trompe pas, APN. Ouais, et là, c'était super intéressant parce qu'il mettait vraiment toutes ses recherches vraiment dans un coin. Voilà, justement, la seule chose qui m'a paru vraiment très, très intéressant, mais donc finalement qui n'existe pas encore, ils disent que c'est dans les choses à venir qui vont peut-être développer dessus, qui pourraient être intéressantes. C'est effectivement quand il fait cette recherche sur l'appareil photo, le réflexe, Nikon, je ne sais plus quoi. Lorsqu'il met ça dans son groupe, en fait, s'affiche en dessous du groupe. Automatiquement, ça se fait une recherche en fonction des différents sites mis dans le groupe pour trouver par exemple le site où on pourrait l'acheter le moins cher. Ça c'est une des évolutions qui là pour le coup pourrait être intéressante. Et ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses. Il donne d'autres exemples dont je me souviens pas, mais ça pour le coup ça pourrait être intéressant. Bah, moi perso par contre, étant donné que j'ai jamais plus de 3 onglets ouverts, ça me sert à rien. C'est vrai que si tu n'es pas un consommateur, c'est vrai, d'un minimum d'onglets, c'est vrai que c'est un peu limité. Alors, et puis en fait, sous Chrome, les onglets, pas de barre de défilement pour les onglets en fait. Ils rétrécissent, donc il y a toujours tu vois toujours au moins le favicon. Bah, déjà, moi ça me suffit largement. Mais il y a ça, et puis il y a aussi sur Chrome, comme chaque onglet est un processus en plus, ça te rapidement, dès que tu as beaucoup d'onglets, ça ralentit ta machine. Enfin, je sais pas sur quoi tu tournes, mais ça fait comme si tu ouvrais Chrome. Je sais pas combien de fois. Donc en fait, c'est Chrome est pas adapté pour les gens qui naviguent avec énormément d'onglets. Enfin, ou moins bien adapté que. Mais là, c'est vrai que c'est un navigateur. Enfin, c'est spécialement pour Firefox. C'est du développement Firefox. Donc c'est vrai que ça s'adresse peut-être pas du coup à Chrome. C'est peut-être pas adapté. Mais c'est pas impossible qu'on voit. La gestion graphique des onglets comme ça sous Chrome. Hein. Ah oui, c'est possible. Oui, vas-y. Moi, je suis plus comme Mathieu expliqué au départ. En fait, j'ai ma barre en fait avec tous mes favoris classés par dossier. Et je visite les sites les uns après les autres, quoi. Je ne charge pas 15 sites en même temps, ça arrive jamais, quoi. Ouais, pareil. Si, moi je connais énormément de personnes en fait, j'étais étonné, qui utilisent facilement 10-20 onglets en fait. Et donc bah là ça peut permettre de les aider. Moi, je connais une personne notamment qui utilise beaucoup les jeux Flash ou les trucs comme Travian si vous connaissez. Donc toutes ces choses Tout ce que j'aime un peu pas. passe-temps. Et bah voilà, là ça permet voilà, vraiment de vraiment les organiser, d'avoir et c'est surtout le visuel en fait, c'est vraiment d'avoir un... Parce que moi je sais quand j'ai mes onglets ouverts, j'en ai plein, c'est toujours à chercher où est-ce que j'ai mis celui-là, alors tu te Ouais. balades, enfin c'est pas pratique en fait à Enfin, utiliser. finalement, c'est juste, ça dépend de l'utilisation qu'on fait de son ordinateur, parce que Voilà. je sais que, enfin, les onglets, c'est comme finalement les applications qu'on lance. Moi, je sais que je tourne vraiment maximum à trois applications et deux, trois onglets vraiment en même temps. Je déteste avoir beaucoup de fenêtres d'activités dans tous les sens. Dès que j'ai fini quelque chose, je ferme. Même parfois, je ferme trop vite mes applications et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas fini de l'utiliser. Mais ça dépend de l'utilisation. Quand effectivement on aime bien avoir tout sous la main et dans un bordel monstre, là ça permet de réorganiser, d'avoir beaucoup de choses ouvertes en même temps. Donc oui, t'apprends de dit pourquoi pas pour les gens qui l'utilisent de cette manière. Bah écoute, je pense que tu as très bien résumé finalement ce Oui, projet-là. complètement d'accord. Bah en fait, ouais, c'est une philosophie d'utilisation de sa machine et après ça s'adapte plus ou moins suivant les gens, quoi. Donc voilà. Bah, tape Candy pour les gens qui utilisent leur ordinateur comme Camfis. C'est fait pour vous. Je vais vous parler d'une petite news que j'ai vue passer il y a quelques temps. Donc c'est Orange qui se rapproche de Deezer pour un rachat apparemment. Il faut savoir que Orange avait déjà le service de musique en ligne Warmi, il me semble que c'est ça le nom. Et donc en fait, ils seraient intéressés pour se mettre avec Deezer pour avoir un catalogue plus grand et en fait offrir aux clients Orange plus facilement un compte Deezer apparemment. Donc enfin, on pense que ce serait pour justement permettre aux clients d'Orange d'avoir plus facilement l'offre. Mais enfin personnellement, je vois pas trop l'intérêt vu que de toute façon, même sans être client Orange, on peut déjà avoir accès à l'offre premium. Le seul truc, c'est que si ils l'offrent gratuitement, là, ça pourrait être intéressant. Et ça reste une rumeur quand même. En fait, sur l'hésitation que tu as, moi je le vois en fait comme une option, tu sais, pour les mobiles. Je sais pas chez quel opérateur tu es, mais chez Orange, Ça pareil. dépend. Pour le D'accord. téléphone, tu sais, SFR et Orange pour Internet. Par exemple, au niveau d'Orange, pour les mobiles, pour pas faire de pub pour eux, quand tu veux une option, je dis n'importe quoi, des textos, enfin des choses en plus, quoi, par exemple des forfaits, textos illimités. Tu as juste qu'à cocher une case et accepter. Et donc là, on peut imaginer la même chose. Bon là, par exemple, ça serait plus pour la DSL en revanche. Donc c'est vraiment de cocher une option, genre par exemple, je veux de la musique illimitée à 10 euros par mois, parce que c'est 9,99, donc c'est à peu près ça. Et voilà, donc là, et une fois qu'on en a marre, le mois suivant, hop, on décoche, et puis c'est aussi facile que ça. On n'a plus besoin d'aller sur le site, tu vois, c'est complètement intégré directement dans leurs offres. Et Et je pense que c'est ça peut-être qu'un autre aspect sympa, c'est aussi d'avoir finalement directement sur sa facture Orange et de payer, enfin d'être Voilà. automatiquement facturé et de pas avoir besoin de donner ses coordonnées bancaires aussi Deezer, puisque maintenant Deezer appartient à Orange, ils ont la même base de données, ils accéderont direct, enfin ça sera sur la facture Orange en fait. On a une Ah, dans ce centralisation cas-là, ça peut et être pas c'est mal. pratique. Voilà. Ah, j'avoue que là, dans ce cas-là, ça peut être pas mal. Voilà, Parce que je mais voyais par pas trop contre. l'intérêt de se rapprocher pour l'instant, en fait. Mais vu comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, je pense que c'est ça l'aspect, mais de toute manière, ça restera accessible pour les clients non Orange. Enfin, ça me paraît évident. Bien sûr, bien Et sûr. donc, Deezer aura aussi un accès externe. Et enfin, finalement, même les clients Orange pourront très bien prendre. Si c'est stupide, mais ils pourront très bien prendre leur abonnement directement sur Deezer. Ça, je pense qu'il n'y a pas de. C'est juste que là, ça permettra de passer plus rapidement et d'avoir une facture unique. Et le gros avantage pour Deezer, c'est s'offrir aussi une visibilité un peu plus grande auprès du grand public, quoi. C'est évident. Parce que moi, je sais que si, je veux dire, tout simplement, mes parents, je leur parle de Deezer, ils vont me regarder avec des gros yeux. Si c'est directement sur leur facture qu'on leur propose cette option, vous avez de la musique illimitée, là, ils pourraient peut-être être intéressés. Ouais, c'est sûr. Ok, bon bah moi je vais enchaîner avec un petit lien sympa en fait, bah, qui fait écho à nos nombreux débats sur Google et puis son emprise un peu sur le web. Donc en fait c'est l'agence d'analyse Acute, je sais pas si ça se dit comme ça, qui vient de concevoir une carte donc sur Google Maps, c'est l'aspect un peu rigolo de la chose, donc qui répertorie 79 endroits où la firme donc Google a été bloquée ou poursuivie depuis les 12 derniers mois. Donc sur cette carte, les pointeurs rouges indiquent un blocage total ou partiel. de l'un des sites de l'entreprise, donc Google et tous ses sites, tous les sites correspondant à Google, et un pointeur bleu indique une action en justice de Google. Donc le lien de cette carte est disponible dans les notes de l'émission. Je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil rapide, surtout si vous êtes un fervent défenseur de la firme. Voilà, ce sera tout. Et je crois que William, tu avais quelque chose à dire aussi sur Google, enfin en rapport avec Google. Donc oui, bah on continue oui sur Google, et c'est au niveau de l'accord qu'il y avait eu entre Yahoo et donc Microsoft, qui obligeait, enfin si finalement Yahoo en fait utilisait le moteur Bing donc sur le site tout simplement, donc yahoo.com, et ça concerne à peu près une soixantaine de pays si je dis pas de bêtises. Et en revanche, il y a un pays où le yahoo.com, enfin le Yahoo US, tout du moins là où la décision s'est prise, qui n'est pas majoritaire, c'est au Japon. Et donc, vu qu'il n'est pas majoritaire, donc c'est pas lui qui peut imposer un petit peu la politique à l'entreprise. Et donc, le Yahoo Japon a décidé d'utiliser Google, finalement. Et donc, c'est un petit peu marrant, je trouve, de voir ça, d'avoir le Yahoo Japon qui est complètement en opposition avec celui US, qui est vraiment parti avec Microsoft et Bing. Par contre, pour préciser, il faut savoir que Yahoo Japon, tout du moins, au tout début, utilisait les services Google. Et une fois que Yahoo US avait eu son propre moteur, etc., ils étaient passés évidemment sur celui-là. Mais maintenant que Yahoo n'existe plus vraiment, c'est le moteur de Bing, eh bien, ils sont repartis sur finalement leur premier amour en tant que de moteur de recherche, qui est Google. Donc voilà, donc ça fait pas mal ça fait pas mal couler d'encre, parce que bah voilà, on a un petit conflit entre les moteurs. Ok. Oh, au sein de la même entreprise, ils sont pas tous d'accord partout, c'est marrant. C'est... Ouais. Donc moi maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui a été testée sur Twitter sur certains comptes, qui permettrait l'affichage des médias directement dans la timeline. Donc je m'explique. C'est pour faire comme certains clients tiers qui le font, par exemple Breezly, pour ceux qui connaîtraient. Et donc ça permet en fait pour tout ce qui est TweetPic, TweetVid et les liens comme ça, d'afficher directement l'élément, la photo ou la vidéo, sous le tweet concerné. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas du tout cette fonction. Parce que je sais que, par exemple, là, dernièrement, par exemple, avec Inception, ceux qui avaient vu le film postaient souvent des photos qui pouvaient spoiler. Là, le problème, c'est qu'on ne pourra presque pas éviter de voir la photo, de cliquer sur le lien. On n'est plus tout à fait maître de ce qui est affiché. Par exemple, pour ceux qui postent aussi quelques liens NSFW, je trouve pas ça en fait super comme principe. Ouais. Je sais que ça m'arrive d'utiliser Breezly et c'est vraiment le truc qui m'empêche de rester dessus en fait. Finalement, je sais pas ce que vous en pensez. À partir du moment où tu sais que moi je sais que sur Sismic c'est pour les photos ça s'affiche comme ça. À partir du moment où, moi de toute manière j'utilise soit Sismic soit le site internet. Sismic, je sais que c'est comme ça, donc ça me gêne pas. Et puis, en général, j'ai pas de gros problèmes avec les photos qui s'affichent tout de suite. Par contre, j'aime bien que ça soit, le choix du client Twitter et le choix aussi de la personne. Le fait que ça soit directement, ça soit pas une option et que ça soit directement disponible sur le site Twitter, là, ça m'envoie de plus parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes envies et. Je préfère que Twitter finalement reste très sobre. Apparemment, c'était une option à cocher ou décocher, donc ça, à la limite, ça me gêne pas. Ouais, mais même finalement. C'est l'option en elle-même qui m'intéresse pas en fait. Ouais, mais même. En fait, finalement, moi, j'aimerais que Twitter reste vraiment la base de la base et que ça soit les clients qui se développent autour et qui agrémentent un peu les tweets et qui se débrouillent autour de ça. Mais pour moi, Twitter, le site en tant que tel, doit rester vraiment basique. Avec uniquement l'écrit, les 140 caractères. C'est mon idée. Ça fait un peu réac, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les images, tout du moins, parce que vidéo, c'est un peu particulier quand même. Pour les images, les clients comme. Alors, comment il s'appelle maintenant ? Twitter pour iPhone maintenant, qui était Tweety avant. Quand on avait une image, on pouvait avoir un tout petit aperçu si on ouvrait le tweet en fait. Donc il était dans cette timeline, on cliquait sur le tweet et il chargeait une image, donc c'était vraiment un tout petit aperçu pour voir après si on avait envie de le voir en grand ou pas. Donc c'était pas gênant du tout comme ça, puisque dans la timeline on le voyait pas, et c'est si vraiment on le sélectionnait pour s'intéresser un peu plus au lien et au tweet en lui-même, à quelle heure il était posté, etc., que là on voyait les détails. Donc là ça me dérangeait pas. En revanche, complètement intégré dans Twitter et le coup du spoil par exemple que tu disais, ça c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Et même entre le spoil et certaines photos qui sont pas toujours super clean que certains postent, comme ça pour le fun qui peuvent être marrants en fonction de qui est autour, ça fait pas clean d'avoir ça en plein milieu sans l'avoir choisi. Enfin, de tant qu'on nous propose l'option de l'enlever, de le désactiver, ça me va. Moi aussi ça me gêne pas, mais je l'activerai pas. Voilà. Mais si on n'a pas le choix de l'enlever, là ça va commencer à me gêner de plus en plus, quoi. Mais justement, enfin William, t'as parlé d'un truc qui me, moi avec lequel je suis pas du tout d'accord. Enfin, qui c'est pas envers toi, mais tu parlais de l'application donc Twitter pour iPhone. C'est pareil, c'est devenu aussi Twitter sur BlackBerry, l'application officielle. Ça, c'est quelque chose qui moi me dérange. Enfin, j'avais pas du tout envie que Twitter prenne cette, en fait, soit crée aussi les applications, soit directement propriétaire des applications. Pour moi, Twitter fournit une. Enfin, dans mon idée de Twitter, ça serait uniquement le fournisseur du site, ultra basique et avec l'idée de départ des 140 caractères. Et les différentes applications ensuite, sur mobile, sur l'ordinateur directement, enfin, tous les clients externes devraient être faits par des entreprises externes qui, elles, agrémentent à leur sauce les flux Twitter. Mais, c'était au départ finalement. Voilà, comme c'était au départ. Et là maintenant, Twitter commence à gérer non seulement le site et non seulement les clients. Et finalement, ça perd un peu. Enfin, moi, là où ça m'intéresse pas, c'est que l'innovation est vachement plus faible. Le problème, c'est qu'ils ont quand même besoin de financement. Donc, ils sont obligés de chercher de nouvelles voies. Ils voient quand même que les clients externes marchent super bien. Ah, mais c'est évident. Mais moi, je suis. Ouais. Je trouve que l'innovation était mieux à partir du moment où il y avait énormément de concurrence sur justement le domaine des clients Twitter. À partir du moment où Twitter fait son propre client, par définition, les gens tapent Twitter dans la barre de recherche. Enfin, moi, j'ai tapé Twitter dans la barre de recherche de l'App Store sur l'iPad. Ils m'ont proposé. Enfin, c'est Twitter, le client Twitter. Sur BlackBerry, c'est Twitter. Et ça permet pas de pousser à la concurrence et à l'innovation dans ce domaine. Mais attention, j'ai pas dit du tout le contraire. Hein. J'utilisais Tweety en fait au début, et après il s'est transformé en Twitter pour iPhone. Donc vu que j'ai mis le client avant, c'est le même avec petite mise à jour en plus, mais c'est globalement la même chose. Donc du coup j'ai continué à l'aimer, quoi, parce que je l'aimais avant. Ah non, mais l'application aussi, est très bien. Plus le côté développeur tiers sur les stores en fait. Pardon ? Oui, bien sûr, c'est vrai que moi c'est pareil, hein. Les premières fois j'ai cherché Twitter. Après j'ai essayé avec le mot tweet ou des choses comme ça, mais tu écris Twitter aussi, en premier. Donc c'est vrai que tu tomberas sur l'application officielle en premier, et c'était une fonctionalité. Et c'est un déjà côté rassurant de prendre d'afficher le petit aperçu. Mais attention, c'était pas dans le timeline, hein. C'était vraiment quand on sélectionnait le tweet, on avait un tout petit aperçu qui permettait de savoir est-ce que je clique maintenant ou est-ce que je préfère attendre d'être plus tranquille, quoi. Donc voilà. Non, bon, j'ai un peu dérivé, mais en tout cas, enfin, c'est toujours le même principe. Moi, pour moi, Twitter devrait rester comme il est. Je pense que vous avez raison, ouais, sur ce point-là. Ouais. Enfin, après, c'est l'idée de chacun, mais en tout cas, moi, c'est l'idée que j'en ai, et donc voilà. On verra comment ça évolue. Moi, de toute manière, enfin, ça changera pas foncièrement notre utilisation de Twitter. Je pense qu'on restera, utilisateur de Twitter, mais c'est vrai que ça. Ça peut plus ou moins nous plaire. Tant qu'un client externe me propose ce que j'attends, je resterai. Bah si les clients externes survivent à Twitter, qui prend le contrôle justement de ça. Tant que Twitter ne fait pas de clients externes pour le bureau, ça me va. Oui, mais finalement, ils ont très peu d'intérêt, puisqu'ils peuvent intégrer directement eux-mêmes les options sur le site. Ouais, mais en fait, j'aime pas passer le principe de passer par un client web, en fait. Ouais. J'en ai essayé plusieurs et je préfère largement en fait rester sur un client lourd tiers et qui soit pas directement dans Chrome, parce que ça m'arrive une fois que j'ai fini de regarder 2-3 sites de fermer, mais pas vouloir fermer Twitter, donc ça ferme tout d'un coup. Sismic Web m'avait vraiment étonné et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Ouais. Après, quand je suis sur un PC qui n'est pas le mien, j'utilise Sismic Web. Ouais, il est vraiment. Non, mais il est bien fait pour un client web. Il se rapproche le plus d'un client lourd, en fait. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on a un peu dérivé. On va enchaîner avec les bonus. J'ai deux petites choses dont je voulais vous parler. Donc la première, c'est Apple qui nous concocte une mystérieuse fonctionnalité révolutionnaire au cœur de macOS X. Ça, c'est le titre de la news. Donc, En fait, Ils parlent d'après leurs mots, ça devrait vraiment stupéfier le monde. Les seules infos qu'on a sur cette fonctionnalité mystérieuse, bah, c'est celle qu'on a pu tirer d'une annonce directement issue de chez Apple, qui dit entre autres, alors je cite, avez-vous envie de créer quelque chose d'entièrement nouveau? Nous développons quelque chose de vraiment révolutionnaire et très excitant. Et apparemment, on a pu comprendre que la fonctionnalité en question serait intégrée au cœur du système d'exploitation OS X. Donc ça serait quelque chose de natif, enfin de vraiment intégré dans OS X. Mais alors, là, vu ce qu'on sait, en fait, ça peut nous laisser imaginer tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, on sait rien. Et donc voilà, c'est une news qui en soi sert à rien, mais venant d'Apple, ça fait toujours rêver. Donc voilà, je voulais en parler. Et une deuxième news, en fait c'est une toute petite news qui vient de tomber genre 5 minutes avant l'enregistrement du podcast que j'ai vu dans ma timeline RSS. Apparemment, la tablette BlackBerry a été confirmée par les journalistes du site Bloomberg. Et donc on sait que ça pourrait s'appeler le BlackPad et une probable sortie prévue pour le mois de novembre. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. On ne sait pas quel OS serait dessus. Non, donc enfin sûrement une version modifiée, j'espère, de l'OS BlackBerry. Personnellement, ce que j'attends sur une tablette, c'est pas un OS de téléphone, quoi. C'est un OS plus complet, plus proche d'un OS de PC, quoi. Ouais, non, bah, de toute manière, vu l'OS présent sur les BlackBerry, sauf à la limite le BlackBerry Tactile Storm, je crois qu'il s'appelle. Ouais, aucun ne serait adapté à une tablette, donc peut-être le Storm un peu modifié, enfin l'OS du Storm, enfin ce qui est le même OS mais qui est adapté au tactile, un peu modifié à la manière de d'iOS modifié pour iPad, enfin ça. Oui, il était pas trop modifié. Hein. Si, quand même. Ouais. Bon, ça. Enfin, sur les photos, vidéos que j'ai vues, il avait pas l'air d'être. Dans les applis, elle est assez modifiée, si. Ouais, pour les applis. Dans le mail, par exemple, là, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout pareil. Il y a vraiment une ils ont essayé d'adapter le fait que l'écran soit beaucoup plus. Ouais. Bah, tu peux en parler du coup, Mathieu, parce que je crois que tu as eu. Ah oui, je suis le repossesseur d'un iPad, mais. Oui, la honte, bouh. Non, mais oui, c'est quand même. C'est, moi, je trouve ça vraiment différent. Enfin, vraiment. Je vais pas. C'est différent, c'est adapté. Au produit qu'est l'iPad, hein, on peut pas dire autrement. Un Mac OS X n'aurait déjà pas été supporté et aurait été complètement, hors de propos sur l'iPad. L'OS iPhone, enfin maintenant ils s'appellent tous iOS, mais le iOS pour iPhone était un peu trop léger à mon goût. Je trouve qu'ils ont fait un bon compromis, donc j'espère que BlackBerry fera la même chose. Peut-être en toujours le problème d'Apple, c'est quand même très fermé. Avec l'Apple Store, on reste enfermé et beaucoup d'applications par rapport à l'iPhone sont payantes sur l'Apple Store de l'iPad. Donc, enfin, d'un côté, j'ai pas d'iPhone, mais quand je vois mes amis, il y a beaucoup plus d'applications gratuites sur l'Apple Store pour iPhone, je trouve, que sur, enfin, que les applications iPad. Je sais pas si vous pouvez me confirmer. Enfin, je sais que William, t'as un iPhone. J'ai remarqué que c'était assez payant, ouais. Sur moi, je trouve ça très cher. Surtout plus cher. C'est des applications qui, je sais pas sur iPhone la moyenne, mais là, c'est des applications de l'ordre de 7-8 euros en moyenne. Du moins celles qui m'intéressent. Et oui, c'est des applications qui restent quand même importantes. Alors que finalement, les freeware sur ordinateur sont quand même vachement plus répandus que les. Enfin, on trouve de tout en freeware. Là, il y en a peu sur iPad, je trouve. J'ai constaté ça aussi avec des amis qui en parlaient, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus. Il y a vraiment une différence de prix, donc ils sont vraiment beaucoup plus chers. Et par exemple, la même application, donc développée pour iPhone, était à peut-être quelque chose comme 3-4 dollars, parce que c'était en dollars. Ouais. Et sur l'iPad, c'était à 7-8. Ouais. Et pourtant, le développement n'est pas plus dur sur un iPad. Il y aura juste la résolution peut-être à gérer. Donc, c'est donc ouais. Je ne sais pas pourquoi ils font cette si grande différence de prix. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi. Donc voilà, en fait, c'est surtout les points sur lesquels moi j'attends que BlackBerry s'adapte, mais sinon qui colle un peu à l'idée de l'OS de l'iPad. Moi, ça me dérange pas, en un peu plus ouvert effectivement, avec un peu plus de choses gratuites. Je pense que, BlackBerry pourrait faire toujours en restant dans son idée d'un produit qui est plus pour les professionnels, enfin professionnelle. Oui, si on peut dire ça, bien que qu'Apple tente de, avec son iPhone et de tendre vers justement le, domaine, le milieu professionnel, je pense que BlackBerry pourrait faire avec ce BlackPad une tablette vraiment adaptée au milieu professionnel pour les présentations, pour tout ça, pour les, la gestion de mail au bureau. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Et est-ce que tu ne penses pas que ça va être gênant de perdre le clavier qui était vraiment la force des BlackBerry en entreprise ? Est-ce que tu ne penses pas que ça va être un problème, ça ? Si. Là, je pense que si, par exemple, on a au bureau juste un petit clavier avec un, soit en wireless, soit en un petit dock, et son BlackPad pour lire ses mails dans la rue, uniquement les consulter, et dès qu'on arrive au bureau, on le pose, on peut consulter et en même temps les éditer, écrire et tout ça, ça pourrait être intéressant. Mais effectivement, le problème de BlackBerry a beaucoup misé sur sur le fait de garder ces claviers qui permettent quand même d'écrire, malgré tout ce que les gens peuvent dire, plus vite que sur un iPhone. J'espère que ça va pas être le problème de du BlackPad. Moi, une concurrence une sera toujours bonne. Vas-y, je t'ai encore coupé, vas-y. Juste une question concernant BlackBerry, en fait. Savoir sur le store d'applications, est-ce qu'il y en a quand même beaucoup? Et si elles sont plutôt gratuites ou payantes? Je sais que Apple, l'App Store, c'est plutôt... Bon, il y en a beaucoup, ça reste plus souvent du payant. Ouais. Sur l'Android Market, c'est plus souvent gratuit. Alors, sur BlackBerry Apple, bon, là, j'ai éteint mon téléphone pour l'enregistrement, mais pour te dire, j'ai jamais acheté d'application payante là, pendant, sur mon BlackBerry. Et j'ai Facebook, Twitter, j'ai Deezer, j'ai Shazam, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je viens d'installer une petite application, alors je pourrais pas vous dire le nom, mais qui est gratuite et qui permet de localiser sur mon ordinateur, sur une carte Google Maps, où se trouve mon BlackBerry à tout moment, et le faire sonner à distance, le bloquer à distance, récupérer mes contacts à distance, enfin tout ça. Et tout ça, c'est des applications payantes, gratuites, je veux dire. Donc moi, je trouve mon compte là-dessus. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai Flickr, enfin j'ai tout plein de choses comme ça. Que des applications gratuites. D'accord. Donc je ne sais pas si l'équivalent sur, si les équivalents sur iPhone sont payantes. Là, je vous ai cité que des applications peut-être qui sont aussi gratuites sur iPhone, j'en sais rien. Non, en fait, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était pas pour la même application, mais pour en gros l'ensemble du store, quoi, l'ambiance du store. Le store est quand même vraiment plus petit que l'Apple Store. On ne trouve pas. Non, mais parce qu'en fait, si on regarde quand même sur l'App Store, il y a plus d'applications payantes. Le ratio payant gratuit, je pourrais pas te le dire. Enfin, j'ai jamais regardé d'application payante sur mon BlackBerry parce que de toute manière, je compte pas le garder éternellement et j'ai pas envie d'investir sur des applications payantes. Mais donc je pourrais pas te dire en fait. Mais effectivement, on peut très bien arriver à avoir une bonne flopée d'applications bien utiles uniquement sur, enfin, dans les applications gratuites. Voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'était assez complet. Voilà, donc finalement, on n'a pas de débat cette semaine, mais on a fait des micro-débats autour des oui. sujets. On va essayer pour la prochaine fois de faire un débat, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, et puis en plus on est à trois, on n'en a jamais fait tous les trois, ça pourrait être sympa. Dans deux semaines, c'est encore les vacances. Ouais, hein, faire attention. Ouais, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer, on verra. Au pire, donc effectivement, l'épisode prochain sera sans doute encore un peu décalé. Je sais pas, on n'a pas encore du tout parlé, mais je tiendrai au courant sur Twitter et sur le site, en tout cas s'il y a un éventuel retard. Juste pour dire que j'ai bien visionné, enfin vous allez déjà l'avoir entendu en fait dans cet épisode là, mais j'ai bien reçu vos commentaires et j'en ai pris note pour les jingles que vous avez trouvé un peu trop longs, les nouveaux jingles que j'avais mis entre chaque section, que j'ai réduit, qui étaient de 30 secondes, que j'ai réduit à peu près à une dizaine de secondes. Donc j'espère que vous allez plus l'apprécier, parce que effectivement même moi je m'en suis rendu compte, c'était un peu trop long. Donc voilà, j'en ai pris note, j'ai modifié, vous pouvez continuer à me dire, et si il y a une quelconque question sur le format du podcast, continuez à nous les donner, c'est agréable de voir que vous pouvez vous pouvez participer un peu au podcast avec nous et nous aider à l'améliorer. Je vous rappelle, comme à chaque épisode, que vous pouvez nous laisser donc les commentaires sur le site www.lesprojetsduweb.fr, sur iTunes aussi, ça nous aide à être un peu plus visible, surtout quand vous mettez des bonnes notes et puis que vous laissez des commentaires. Vous pouvez aussi intervenir lors de nos émissions avec des commentaires audio via notre répondeur téléphonique au 01 77 45 50 96 ou sur le compte Skype Les Projets du Web. Donc ça s'appelle Les Projets du Web, vous le retrouverez directement. Et donc on se retrouve dans une quinzaine de jours du coup pour l'épisode numéro 15. Donc salut William et salut Lucas. Et salut à vous deux. Et bonne continuité de vacances, je vais dire. Et dans une quinzaine de jours. Salut à tous. Salut. Et on a une prévisualise. Oh, putain. Prévisualisation. Et donc dans ce cas-là, on a une preview. Donc dans ce cas-là, on a une prévisualisation de la page.